Pages arrachées à Sylvia Plath. Feuilleton en 5 épisodes proposé par Béatrice Leca. Une réalisation de Michel Sidorov. 5e et dernier épisode. Ted Hughes et Sylvia Plath jouent à un jeu célèbre, un jeu étrange. La planche Ouija, comme ils auraient fait tourner les tables. C'est une planche de bois où figurent des lettres. Un pion pointe les lettres pour former des mots. L'esprit Ouija répond à leurs questions. Ted Hughes, quand il publiera sous le titre de Birthday Letters les poèmes adressés à Sylvia Plath longtemps après sa mort, décrit l'une de ses séances avec l'esprit. Ouija. Toujours mauvaise, les nouvelles de notre table Ouija. Nous avons disposé les lettres de l'alphabet en bordure, de la table à café. Deux buts. Oui, d'un côté, non, de l'autre. Puis, nous nous sommes penchés, deux doigts très légèrement appuyés, sur le dessus du verre retourné. La frivolité a laissé place à une appréhension plus solennelle. Plein de respect, nous avons appelé un esprit. C'était aussi facile que de pêcher des anguilles dans la chaude obscurité de l'été. Une minute à peine, et le ver s'est aventuré en direction des lettres. A décrit un cercle autour de la table, et finalement, oui, quelque chose était là. Un esprit proposait de se nommer. Il s'est approché des lettres de son nom. Il s'est révélé désespéré, déprimé, pitoyable. Il a concocté des réponses macabres, lugubres. Chaque réponse était « pourriture » ou « ver » ou simplement « os ». Il a laissé une culpabilité particulière, un sentiment de danger, de souillure, l'impression que des jours seraient nécessaires pour nous laver de cette pollution. Une sorte de pickpocket occulte avait fendu la soie de l'âme et nous avait tripoté. Mais nous avons vite trouvé une explication, un quelconque déchet. Rejeté d'un rêve, s'est effrayé le chemin jusqu'au ver, et là, le pouvoir lui avait fait perdre la tête. Ou bien, nous avions pêché un esprit au don de voyance plutôt douteux, en parcourant ainsi toute la longueur d'onde de la création, accordant le ouïa aux fréquences de l'omniscience, de la prophétie. Ce qu'il fallait, c'était localiser le bon esprit. De nouveau, nous nous sommes penchés au-dessus du rebord de l'être, nous avons lancé notre appel dans le puits de ouïa. Cette fois, nous avons annoncé les conditions requises. Le ver se mettant à bouger, nous avons clairement répété les aptitudes pour l'emploi. Soudain, d'un grand mouvement rapide, le ver a été précipité vers le oui, s'échappant presque de nos doigts. C'était comme si on venait de prendre un poisson juste à la surface. Celui-là nous a promis la vérité. Rien que la vérité. Pour le prouver, il nous a proposé de remplir les coupons de foot de la semaine et de faire notre fortune à la minute même. Il a choisi 13 tirages. Ce n'est pas beaucoup, juste ce qu'il faut, a-t-il répondu. Il est tombé sur le bon résultat. Mais avec un décalage d'un rang sur les colonnes des résultats du jour. Trop impatient? Oui. Il s'est excusé, il a juré de se corriger. Pendant 5 jours, il a gardé le silence, s'est fait oublier. Puis il est revenu, s'est élancé, et là, de nouveau, il est tombé sur le bon chiffre. 18, exactement, en plein dans le mille. À condition de diviser le total en 2 groupes opposés, 2 avant, 3 arrière. Il s'était pris dans le filet que j'avais tendu à ses erreurs. La fièvre du jeu commence à lui donner la tremblote. Il s'intéresse de trop près à certaines des équipes. Il veut des gagnants, des perdants, et c'est lui qui perd la notion de vérité. Il y a une leçon à tirer de tout ça. Me suis-je dit, tout en observant la manière dont, semaine après semaine, il perdait le contrôle, se désorganisait, jonglant avec les espoirs et les fantasmes humains et angoissés. Un jour, alors que nous étions là, penchés, j'ai demandé, « Serons-nous célèbres ?» D'un geste violent, tu as relevé ta main, comme si quelque chose l'avait saisi par-dessous. Tes larmes ont jailli, ton visage s'est crispé, ta voix s'est cassée, c'était le tonnerre et l'éclair tout ensemble. et te vendre au projecteur. C'est ça que tu veux ? Pourquoi voudrais-tu être célèbre ? Tu ne vois donc pas, la célébrité va tout détruire. J'étais abasourdi. Je croyais être devenu membre de ton association pour l'ambition, pour vous satisfaire, toi et ta mère, et accomplir cette ambition qu'elle avait, que nous soyons ambitieux. Sans cela, j'aurais sûrement été en train de pêcher quelque part, en Australie occidentale. C'est pourquoi ta réaction m'a surpris. Tu pleurais. Tu voulais arrêter le ouïa. Rien ne me semblait pouvoir expliquer ton choc, tes pleurs. Sinon, peut-être que tu avais capté, avant même que le ver bouge, un murmure que moi je n'avais pas entendu. Une voix toute petite encore. La célébrité viendra, tout spécialement pour toi. La célébrité ne pourra être évitée. Et quand elle sera là, tu l'auras payée de ton bonheur, de ton mari, de ta vie. Ted Hughes. Mardi 1er octobre. Lettre à un démon. Hier soir, j'ai eu le sentiment d'avoir beaucoup lu James en vain. La peur qui coule maladivement dans mon sang et anéantit mon âme s'est retournée en pugnacité ombrageuse. Allongé, impossible de dormir bien que fatigué, sentant mes nerfs vifs jusqu'à la douleur avec le grondement de ma voix intérieure, incapable d'enseigner, incapable de quoi que ce soit, ni écrire, ni penser. Soumise au flot négatif et glacial du déni, je pensais que cette voix m'appartenait, qu'elle faisait partie de moi et qu'elle allait m'envahir d'une certaine manière et me laisser avec mes pires visions, celle d'avoir eu l'occasion de me battre et de gagner jour après jour et d'avoir échoué. Je ne peux ignorer ce moi assassin, car il est là. Je sens sa présence et son odeur, mais je refuse de lui donner mon nom. Je veux lui faire honte. Il a beau dire « tu ne dormiras pas, tu es incapable d'enseigner », je vais continuer et lui faire rentrer le nez dans la figure. Sa meilleure arme était et est toujours cette image de moi réussissant en tout, écriture, vie, enseignement. Dès que je flaire l'échec sous forme de rejet de manuscrit, de visage perplexe en classe quand j'expose un point de manière confuse ou d'une horreur glacée dans les relations personnelles, je m'accuse d'être hypocrite, de prétendre être meilleur que je ne suis et au bout du compte d'être minable. Je suis médiocrement bonne et je peux vivre ainsi, sans diplôme universitaire très élevé, sans livre publié et sans expérience de l'enseignement. Rien ne justifie que j'exige de moi d'être meilleur professeur que tous ceux qui m'entourent et qui ont les diplômes, les livres publiés et l'expérience. Je peux juste essayer de m'améliorer chaque jour. Si à la fin d'une année de dur travail et d'échecs partiels, ou m'acharnant, j'ai ouvert partiellement un poème ou une histoire, je peux dire que je suis plus à l'aise, sûre de moi, et que j'enseigne mieux qu'au premier jour, ce sera suffisant. Il faut que j'arrive à avoir une image de moi qui soit bénéfique, à ne pas me transformer en gelée tremblotante parce que je ne suis ni Mr. Fisher, ni Miss Dunn, ni aucun des autres. Il y a un moi bénéfique, qui aime ciel et collines, idées, repas savoureux et couleurs vives. Mon démon voudrait assassiner ce moi-là en exigeant qu'il soit un parangon et en déclarant que s'il n'est pas à ce niveau, il doit s'enfuir. Je vais faire de mon mieux avec ténacité et le reconnaître, quoi qu'en disent les autres. Je peux apprendre à mieux enseigner, mais seulement en essayant et en me trompant dans la douleur, à l'image de la vie. J'ai instinctivement choisi ce travail parce que j'avais besoin de l'assurance qu'il me donnerait, comme j'ai besoin de nourriture. Ma première confrontation active avec la vie et les responsabilités, ce à quoi font face quotidiennement des milliers de gens, en grognant peut-être, ou avec une détermination opiniâtre, ou encore joyeusement. Mais ils font face. Et moi j'ai ce démon qui veut que je m'enfuie en hurlant plutôt que d'être faillible, d'avoir des défauts. Il veut me faire croire que je suis si bonne que je me dois d'être parfaite ou rien. Mais moi, je suis quelque chose. Je suis un être fatigable, timide face aux luttes, qui a plus de mal que la plupart des gens à affronter les autres. Si durant cette année je refoule mon démon lorsqu'il surgit, sachant que je serai naturellement fatiguée après une journée de travail et des corrections de copies, et qu'il n'y a pas de quoi hurler d'horreur, je devrais parvenir, par petits bouts, à faire face au domaine de la vie, au lieu de le fuir dès l'instant qu'il me blesse. La lune et le cyprès. Cette lumière est celle de l'esprit, froide et planétaire, et bleue. Les arbres de l'esprit sont noirs. L'herbe murmure son humilité, dépose son fardeau de peine sur mes pieds, comme si j'étais Dieu. Une brume capiteuse s'est installée en ce lieu qu'une rangée de pierres tombales sépare de ma maison. Je ne vois pas du tout où cela peut mener. La lune n'offre aucune issue. C'est un visage morne, d'une blancheur d'os effroyable. Elle traîne derrière elle l'océan comme un crime obscur. Elle est calme, trou béant de désespoir total. J'habite ici. Deux fois tous les dimanches, les cloches ébranlent le ciel. Huit langues puissantes annoncent la résurrection. À la fin, seul vibre le son grave de leur renommée. Le cyprès se dresse alors, gothique. Aux yeux levés sur lui, il désigne la lune. La lune est ma mère. Elle n'a pas la patience de Marie. Son vêtement bleu laisse échapper chauve-souris et hibou. Je voudrais tellement pouvoir croire à la tendresse, au visage de cette effigie, adoucie par la lueur des cierges, qui poserait sur moi son regard bienveillant. Je suis tombée de trop haut. Des nuages fleurissent, mystiques et bleus, à la face des étoiles. Dans l'église, les saints doivent être tout bleus, à frôler les bancs glacés de leurs pieds délicats, et leurs mains et leurs visages tout engourdis de sainteté. La lune ne voit rien de tout cela. Elle est chauve, elle est cruelle. Et le message du cyprès n'est que ténèbres. Ténèbres et silence. À l'été 1958, Sylvia Plath et Ted Hughes séjournent à Northampton. Vendredi 20 juin. Ma devise ici pourrait être « Mon esprit, comme en un rêve, est retenu prisonnier. J'ai dû lutter. » Et lutte encore contre la dépression. C'est comme si ma vie était animée de manière surnaturelle par deux courants électriques. L'un positif et joyeux, l'autre négatif et désespéré, et qu'elle fut totalement engloutie par celui des deux qui domine à tel ou tel moment. Actuellement, je suis submergée de désespoir, d'hystérie presque, comme si je suffoquais. Comme si une grande chouette à la musculature puissante se tenait sur ma poitrine, les serres crispées sur mon cœur qu'elles étouffent. Je savais que cette vie nouvelle serait plus dure, bien plus dure que l'enseignement. Mais j'ai des armes, la meilleure étant de me connaître moi-même. J'étais dans une hystérie noire à l'automne quand j'ai commencé à travailler. Les exigences extérieures étaient très astreignantes pour ma nature, et j'avais peur. À présent, la situation est entièrement différente, même si le contenu émotionnel est le même. Pour la première fois de ma vie, j'ai 14 mois entièrement libre. Une sécurité financière raisonnable et la compagnie magique et constante d'un mari tellement magnifique, immense, créateur gigantesque, que j'aurais l'impression de l'avoir inventé s'il ne venait toujours me surprendre et me faire savoir qu'il est réel et profond, comme un iceberg dans son élément. Ainsi, j'ai tout cela, et mes membres sont paralysés. Les exigences intérieures sont astreignantes pour ma nature, et j'ai peur. Car il faut que j'invente ces exigences, et c'est la plus grande responsabilité qui soit. Sans matériaux extérieurs récalcitrants qui puissent porter le blâme des accros et échecs. Rien que le moi intérieur, tout hérissé et rétif. Paresse et peur, vanité, résignation. Je sais bien, d'ailleurs je l'ai écrit à l'automne, que si j'affronte et maîtrise cette expérience, et produis un recueil de poèmes, des nouvelles, un roman, si j'apprends l'allemand et lis Shakespeare, ainsi que des livres d'anthropologie sur les Aztèques et l'origine des espèces, comme j'ai réussi à affronter et maîtriser les exigences de l'enseignement, je n'aurai plus jamais peur de moi-même. Et dans ce cas, si je ne redoute plus mes lâches crispations et appréhensions, je n'aurai plus peur de grand-chose en ce monde. Des accidents et maladies ou de la guerre, oui, mais pas de ma capacité à y faire face. Tout ceci n'est que du pipeau, bien sûr. J'ai même souhaité l'épreuve la plus fondamentale et redoutable pour une femme, avoir un enfant, pour échapper aux exigences de mes démons et avoir une excuse constante pour mon écriture improductive. Mais je dois maîtriser expérience et écriture avant de mériter la conquête de l'enfantement. Paralysée. Une fois disparues les tensions extérieures, je reste là, assise, par cette journée froide et grise de juin, accueillant la pénombre verte du feuillage, et je plonge de plus en plus en moi-même. Je vais pêcher tout au fond, dans la nostalgie de revoir ma première ville, Powersley, Winthrop, et même Jamaica Plain. Les noms sont devenus des talismans. Les cloches de l'église sonnent l'heure, ou bien est-ce l'Angélus? 12 coups, par série étrangement cadencée. Entre New York, Wellesley et la recherche d'appartements, j'ai laissé filer presque un mois. À flâner, voir des gens. Je dis que j'ai besoin de voir des gens, mais que m'ont-ils apporté? Je le découvrirai peut-être en essayant d'écrire une nouvelle. Mercredi 9 juillet. Je sors de mon bain. Il est tôt pour une fois et il ne fait pas trop chaud. Nous récupérons après la semaine de l'oiseau. Nous l'avons tué hier soir. C'était affreux. Il respirait péniblement, couché sur le côté comme un navire défoncé, dans les traînées de ses déjections, les plumes de sa queue souillées, faisant des efforts pour ouvrir le bec, pris de convulsions. Qu'avait-il ? Je le prenais dans la main, berçant son cœur chaud et palpitant, me sentant malade jusqu'au creux de l'estomac. Et Ted ne valait pas mieux. Je l'ai laissé s'occuper de l'oiseau pendant une journée et il était aussi malade que moi. Nous ne dormions guère depuis une semaine, l'écoutant gratter dans sa boîte, nous réveillant à l'aube bleue pour l'entendre battre de ses ailes fines comme des aiguilles contre les montants de carton. Nous n'arrivions pas à voir ce qu'il avait à la patte, sinon qu'elle était repliée, inutile, sous son ventre. Nous marchions dans le parc, n'ayant pas envie de rentrer chez nous retrouver l'oiseau malade. Nous sommes retournés jusqu'à l'arbre où nous l'avions trouvé pour voir s'il y avait un nid. Nous étions trop bouleversés pour penser à regarder lorsque nous l'avons ramassé il y a 8 jours. Dans un trou sombre du tronc, à 3 mètres environ du sol, une petite tête d'oiseau, vaguement marron, nous a regardés avant de disparaître. Une fiente blanche a décrit un arc très net pour tomber sur le trottoir. Voilà pourquoi notre oisillon avait l'habitude de se réfugier à l'extrémité des papiers dans sa caisse. J'en ai voulu aux oiseaux dans l'arbre, intacts, en pleine santé. Nous sommes rentrés et l'oiseau pépiait faiblement, trouvant la force de picorer nos doigts. Ted est allé prendre notre tuyau de douche en caoutchouc, l'a fixé à une extrémité sur l'arrivée du gaz au-dessus de la cuisinière et a placé l'autre dans une boîte en carton en la scotchant. Incapable de regarder, je n'arrêtais pas de pleurer. La souffrance est une tyrannie. Je souhaitais désespérément que nous soyons débarrassés de l'oisillon malade, mais son courage constant et son bon caractère me broyaient le cœur. Je suis allée voir. Ted avait sorti l'oiseau trop tôt, et il était couché dans sa main sur le dos, ouvrant et fermant le bec d'une manière affreuse, et nous faisant signe de ses pattes en l'air. Cinq minutes après, il me la portait. Calme, parfait et beau dans la mort. Au soir, nous sommes sortis dans l'obscurité bleuissante du parc pour soulever l'une des pierres druidiques, creuser un trou dans son cratère, enterrer l'oiseau et rouler de nouveau la pierre à sa place. Nous avons déposé des fougères et une luciole verte sur sa tombe et senti nos cœurs rouler comme la pierre. Sylvia Plath se tue en décembre 1962, tandis que ses deux enfants dorment dans leur chambre. La tentation du suicide hante le journal, comme si son père, mort lorsqu'elle avait 8 ans, n'avait cessé de l'appeler à la rejoindre. On a tout dit des dépressions, des scènes de jalousie, du nouveau traitement médical, du psychiatre, des histoires de Ted Hughes. On a largement commenté les détails biographiques. Quelques années plus tard, la compagne de Ted Hughes et ancienne rivale de Sylvia Plath se tuera avec leur fille de 5 ans, elle aussi au gaz, dans la maison même où Sylvia Plath est morte. Le fils de Ted Hughes et Sylvia Plath s'est tué il y a quelques années. Dans le journal, dans les poèmes, les récits, circule le sang, se tient le cœur vivant des morts. C'est là que Ted Hughes et Sylvia Plath continuent leur conversation. Tes doigts. Qui se souviendra de tes doigts? Leur vie légère, ils semblaient voler, suivre la lumière de ton regard. Au piano, rythmant de vieux airs des années 40, ils prenaient de même le rôle du bouffon, impassible pantin. Tu leur demandais seulement d'être dans le temps. Mais lorsque tu parlais, tes yeux révélant la lumière stroboscopique de ton exultation, ils frémissaient, vacillaient comme d'aériennes ballerines. Je pensais à des oiseaux en quelques parades sexuelles, sous les tropiques, sautant et faisant la culbute, accomplissant d'étranges choses dans les airs et retombant dans la poussière. Ces danseurs de ton excès, d'une telle habileté, une telle précision de toucher, si juste. Pensées, leur propre pensée était comme une caresse qui éclairait le rouge à lèvres au coin de ta bouche. Impeccable chef d'orchestre de ta compétence, cabriolant sur ta machine à écrire, possédé par un esprit enfantin, espiègle, qui s'amusait à imiter, à danser chaque geste, avec tant de légèreté, tant de brio. Je me souviens de tes doigts, et les doigts de ta fille se souviennent de tes doigts, dans tout ce qu'ils font. Ses doigts obéissent et font honneur à tes doigts, les lares et les pénates de notre maison. C'était « Pages arrachées » à Sylvia Plath, feuilleton en 5 épisodes proposé par Béatrice Leca, avec Élodie Hubert, Flora Brunier, Stéphanie Schwarzbrot, Nicolas Struve. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Les extraits de ces pages arrachées sont tirés du volume Quarto Sylvia Plath, publié aux éditions Gallimard, dans la traduction de Christine Savinel et Audrey Van de Sante. La cloche de détresse est traduite par Michel Persitz, traduction révisée sous le titre La cloche de verre, par Audrey Van de Sante, pour les éditions Gallimard en 2011. Les poèmes de Ted Hughes à Sylvia Plath ont paru sous le titre Birthday Letters chez Gallimard en 2002. Les poèmes de Sylvia Plath sont publiés aux éditions Gallimard dans les traductions de Valérie Rousseau et Françoise Morvan. La voix de Sylvia Plath, disant « Daddy » et « Lady Lazarus » appartient au recueil sonore « Poetry Speaks » publié aux États-Unis chez Source Books.